Bonjour Arthur Boeuf. Bonjour, salut Julien. Arthur, on est dans une transversale du podcast 2030 Glorieuse dans laquelle je donne la parole à des personnes qui sont hyper inspirantes sur leur capacité à tordre un peu le bras aux imaginaires, à montrer que contrairement à ce que l'on peut penser, des choses qui semblent impossibles le sont en réalité et qui arrivent par leur message, par leur communauté à donner espoir que ces 2030 Glorieuses, elles nous attendent en fait un peu plus rapidement que ce qu'on pourrait espérer. Et pour la communauté des guides en 2030 Glorieuses, qui maintenant frôle les 300 guides, on fait des cadeaux comme ça de temps rassérénant où on leur permet de rencontrer des gens comme toi qui ont cheminé parfois depuis plusieurs années sur ces sujets-là et qui font activement, même proactivement, de leur vie des utopies. Et on va avoir comme ça un échange ensemble pendant 40-45 minutes. Je vais te poser quelques questions. Et puis ensuite, on aura du coup les guides qui se joindront à nous, qui pourront poser des questions. Alors, attends-toi peut-être à des questions qui, c'est vrai, sont un peu sur la posture du message, peut-être sur comment on arrive à donner de la place pour que d'autres se saisissent des projets qu'on porte, ce que vous arrivez très bien à faire, notamment chez Team Time for the Planet, je ne sais plus comment le dire, moi, et de l'un et de l'autre. Hein, mais il me semble que c'est Time maintenant, c'est ça? Non, Team? Non, c'est Team maintenant. C'est ça Team for the Planet. Et toi, tu en es l'un des cofondateurs. Je ne vais pas te présenter parce que ce sera beaucoup plus simple si tu le fais toi-même, notamment avec la question un peu centrale du podcast 2030 Glorieuses qui est toujours la même, c'est-à-dire tu arrives dans un événement où tu ne connais personne et vient la question fatidique. Et toi, tu fais quoi dans la vie? En général, tu réponds quoi maintenant? Moi, j'aime bien répondre que je suis un humain optimiste, fan de nature, de sport et d'entrepreneuriat. Et qu'aujourd'hui, quand on me dit « tu fais quoi dans la vie ?», je réponds « je fais ma part ». C'est mon petit trick sémantique. Mais donc, du coup, souvent, ça intrigue un peu les gens et je rentre dans l'explication de Team for the Planet et comment on peut utiliser l'entrepreneuriat au service de l'urgence climatique. Mais tu aimes bien quand même dire, avant de rentrer avec ta casquette professionnelle, que… Alors là, on est sur du méga macro humain. Il y a d'autres personnes qui aiment bien dire qu'elles sont homo sapiens, tu vois. Donc, tout de suite, ça met un peu le cadre. Donc, toi, humain, que tu présentes tes passions aussi, j'ai l'impression que c'est important pour toi. Ça te définit pas mal? Ouais, c'est plus que des passions. Pour moi, on n'est pas cantonné à ce qu'on fait professionnellement. On est d'abord cantonné à ce qu'on est, à qui on veut être. Et tu vois, moi, mon rapport avec la nature, c'est ma raison d'être. Et c'est plus important que ce que je fais professionnellement parce que c'est ce qui m'apporte le bonheur au quotidien et c'est ce qui me permet de me sentir bien. Donc, je pense que c'est juste l'ordre le plus logique que j'utilise quand je me présente. Et à la fin de ta présentation, tu as utilisé ce qui pendant longtemps pour moi était un gros mot parce que je viens d'une filière plutôt sociale politique au niveau de mon cursus universitaire, d'avoir terminé une formation en gestion des projets des ONG. Et donc pour moi, tout ce qui touchait à l'économie et à l'entrepreneuriat, c'était un peu identifié comme le mal et comme la raison des problèmes. Et toi, pourtant, c'est comme ça que tu te présentes, entrepreneur, alors que tu sais les états d'urgence du monde, tu sais à quel point on a à se mettre à la hauteur des enjeux et pourtant, c'est vraiment là que tu as décidé d'agir. Pourquoi? Ouais, en fait, pour moi, ça, c'est la question centrale. Pendant longtemps, tu as raison, on a vraiment opposé les deux, économie et écologie. Quand on regarde ce qui s'est passé, c'était quand même compliqué pour l'écologie de s'imposer parce que, je suis caricatural, mais c'était souvent un peu de bénévolat par-ci, par-là, des belles ONG qui font de leur mieux pour essayer de corriger les externalités négatives que produit le monde économique de manière massive. Mais nettoyer les externalités négatives du monde économique sans jamais faire en sorte que le monde économique arrête de les produire, finalement, c'est aussi un peu travailler sur les conséquences et jamais sur les causes. Et moi, c'était vraiment la conclusion que j'avais fait et surtout, pour avoir entrepris avant, pas sur les sujets qui nous concernent aujourd'hui, je voyais la puissance de l'entreprise et je me suis bien rendu compte que c'est l'outil de collaboration le plus avancé sur Terre. En fait, l'humanité n'a jamais mis sur pied un outil de collaboration aussi avancé. À toutes les échelles, parce qu'après, la finance qui vient se greffer là-dessus, enfin, tu vois, la réglementation, la jurisprudence, etc., tout ça, c'est autour du monde de l'entreprise. Et en fait, c'est extrêmement travaillé, extrêmement élaboré. Et on ne fera pas la transition écologique sans collaborer. Et je crois que cet outil, il faut simplement qu'on reprenne du recul dessus, qu'on le reparamètre correctement pour qu'il soit cohérent et qu'il fonctionne avec les limites planétaires. Mais en fait, tant que les humains se lèveront le matin pour aller travailler parce qu'il faut qu'ils gagnent de l'argent, et ça, malheureusement, c'est le cas d'un peu tout le monde, et que l'argent qu'on leur proposera, ça sera des entreprises qui vont au service d'un projet de société qui n'est pas le bon. En fait, on pourra faire tout ce qu'on veut à côté, ça ne sera jamais suffisant pour équilibrer la balance. La force de travail de l'humanité qui est mise en mouvement par le monde de l'entreprise, c'est colossal. C'est peu ou prou 8 milliards d'humains qui tous les jours vont bosser. C'est 100 000 heures par vie en moyenne de temps de travail qui sont consacrées à un projet de société qui aujourd'hui n'est pas le bon. Et donc, même si à côté on fait des ONG de dingo, même si à côté on fait du bénévolat comme des fous, et tu ne peux pas lutter contre ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réorienter la force de travail de l'humanité vers un projet de société sexy, enthousiasmant. Ça passe notamment par l'imaginaire et par être capable de se projeter. Donc, merci pour ce que tu fais et ce que vous faites. Et ça passe aussi par des entreprises qui peuvent être pensées et paramétrées, une économie globale qui peut être pensée et paramétrée pour être compatible avec ce projet de société. Donc, moi, je pense que l'erreur, c'est de se dire que justement, l'économie qui n'est juste, en fait, c'est juste les flux financiers entre les humains et la confiance. Hein, la monnaie fiduciaire, ça veut dire confiance, tu vois. En fait, c'est pas le sujet, c'est pas le problème. Il faut l'utiliser correctement, il faut l'utiliser avec les bons indicateurs et pour aller au bon endroit. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment convaincu que si tu travailles pas au niveau de l'entreprise et au niveau de l'économie, tu vas pas vraiment créer le basculement nécessaire. Et depuis que je voyage en 2030 glorieuse et que je me projette dans une France avec un monde économique qui marche, qui s'est remis au service du vivant, moi j'y vois des scopes, j'y vois tout le milieu de l'ESS. Là, il y a pas longtemps, j'ai animé un voyage pour l'Assemblée générale des scopes. Pour moi, c'est ça le monde et pas d'autre chose. D'autant que les scopes, elles existent depuis des centaines, voire selon certains historiens, des milliers d'années. Elles sont possédées par les personnes qui travaillent. On a un pouvoir décisionnaire, enfin je dis « on », que ce soit les sociétaires ou les salariés, sur l'utilisation des bénéfices, sur le déploiement stratégique. C'est, à mon avis, la seule structure qui arrive à répondre aux enjeux. Et j'ai l'impression, de manière très simpliste, et j'aimerais que tu me montres que j'ai tort, qu'en réalité, faire croire que d'autres modèles pourraient réussir à se mettre à la hauteur des enjeux, c'est d'une certaine manière repousser l'échéance où on devra se rendre compte qu'en réalité, non, c'est scope ou rien. Et dis-moi comment je me trompe, dis-moi pourquoi je me trompe et dis-moi quel est ton point de vue, toi, qui te frotte un peu plus à ce milieu. Bon, bah déjà, trop cool, merci que tu abordes la question et que tu le tournes comme ça. Alors, c'est vrai que la SCOPE, c'est génial. C'est le modèle le mieux pensé aujourd'hui, je dirais, pour s'adapter aux enjeux de manière globale. Pour autant, je suis quand même assez convaincu. Alors, ce qui est compliqué, et là où je te rejoins à 100%, hein, je le dis d'ailleurs assez souvent, c'est qu'aujourd'hui, les modèles d'entreprise traditionnels, ils ont leurs racines bien ancrées dans le siècle passé. Et du coup, ils essaient de faire des bourgeons dans le nouveau siècle, alors qu'en fait, il faut rempoter, quoi, tu vois. Et du coup, c'est quand même le gros problème, c'est que tu pourras pas réussir à faire pousser un truc cohérent tant que tes racines seront pas dans le bon siècle. Donc, je suis pas en train de dire qu'on va pouvoir transformer les mastodontes et les modèles d'affaires passéistes qui sont bloqués dans des mécaniques d'hyper-profitabilité à court terme parce que t'as des actionnaires qui ne gèrent pas eux-mêmes leur argent parce que d'autres représentent leur argent, etc., etc. Et à la fin, ça fait un truc qui est impossible à bouger. Je suis assez d'accord que ça bougera pas facilement. Par contre, je pense que inspirer, montrer d'autres exemples, et par exemple l'entreprise régénérative qui ne se concentre pas sur une forme, tu vois, ou sur un modèle d'affaires genre défini par quelque chose de statutaire avec une structure en particulier, c'est plus large que juste se cantonner à la SCOPE. Et justement, je crois que ce qui est intéressant dans l'entreprise et dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fonction d'énormément de critères, il faut que tu t'adaptes ton modèle. Et donc, la SCOPE, je pense que ça ne permettrait pas à certains d'être aussi utile qu'ils pourraient l'être avec d'autres formes d'entreprise. C'est difficile à illustrer parce qu'il faudrait qu'on ait des exemples très concrets et j'en ai pas qui me viennent tout de suite. Mais je suis assez convaincu que pour certaines entreprises et notamment pour certaines tailles d'entreprises, ça ne fonctionnerait pas suffisamment. Je ne sais pas s'il existe des scopes où il y a 10 000 employés ou 100 000 employés. Est-ce que c'est le cas? Il faudrait qu'on creuse. Mais pour moi, c'est un modèle hyper adapté pour des petites structures qui restent encore assez agiles, assez locales. Et c'est très bien parce que c'est plutôt à ça que doit ressembler le futur de l'économie, selon moi. Mais quand même, il y a pas mal de choses pour lesquelles tu as besoin d'être à d'autres échelles. Et je n'ai pas vu de démonstration et d'exemple qui fonctionnait pour l'instant. Et attention, hein, Nous, on travaille à ce qu'il y ait d'autres indicateurs dans le monde de l'entreprise pour tout type d'entreprise. En fait, tu vois, Enscope, elle peut très bien utiliser le dividende climat, par exemple, qui est donc un des trucs sur lesquels on met pas mal d'énergie. Comme une multinationale doit pouvoir aussi utiliser ça. Bon ouais, très bien, tu vois, ta réponse me fait un peu évoluer. Et donc, les scopes sont à l'échelle territoriale, c'est l'économie qu'on a envie de voir à échelle humaine, où les humains sont au centre et l'économie se remet au service de la société pour créer des liens avec le vivant et répondre aux besoins vitaux, ça me va. Et les mastodontes, du coup, sont nationalisés et comme ça, on se pose plus de problèmes. Ah, ça serait pas mal, mais le truc qui est compliqué aussi, c'est que l'utopie, tu as raison, elle est très bien, mais il faut aussi faire avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et on a tous un pied dans le vieux monde et un pied dans le nouveau monde en même temps. Et ça, c'est un truc qui est très difficile parce que moi aussi, parfois, j'ai envie de me dire on pousse ce format-là, on dit c'est comme ça et point barre. Et de toute façon, tout le reste, ça se trompe, ça ne va pas dans le bon sens. Mais malheureusement, on n'arrivera pas, je pense, à faire cette transition avec un raisonnement comme celui-là parce que, en fait, il faut faire avec le monde comme il est, quoi. Et c'est l'enfer parce que il est encore parfois compliqué. Et attention, je ne suis pas dans une posture de déni et je ne suis pas en train d'excuser le fait qu'il y a des trucs qui ne sont pas bien structurés. Ce que je dis, c'est qu'on est 8 milliards d'êtres humains, on a des structures en place qui sont monstrueuses, qui ont un impact considérable. Tout ça est très solide. Enfin, tu vois, si je fais juste un petit dézoom, pourquoi on n'arrive pas à faire la transition aussi aujourd'hui? C'est parce que les boîtes les plus prédatrices, celles qui s'affranchissent justement des normes sociales, écologiques, de par leur modèle, hein, très souvent le modèle d'entreprise dans lequel elles évoluent, les poussent à avoir des externalités toujours plus négatives parce qu'en fait, pour faire toujours plus de rendement et de profit, pour servir les actionnaires, si je suis rapide et caricatural, quand il s'agit de rejeter des effluents dans la rivière entre les traiter ou ne pas les traiter, ce qui coûte le moins cher, c'est toujours de faire mal et c'est toujours de ne pas traiter l'effluent. Et donc, quand tu regardes ça, ces entreprises-là, elles arrivent à générer des profits infiniment supérieurs aux autres entreprises qui essayent de faire les choses bien. Et donc, ta petite scope à côté qui fait de son mieux, elle se fait exploser la gueule parce que les mecs dépensent des fortunes colossales en marketing et en neuromarketing. Moi, j'ai fait pas mal de neuromarketing avant dans les applis mobiles. Je peux t'assurer qu'on est arrivé à un stade où on sait prendre notre propre cerveau à son propre jeu. Enfin, clairement, on est plus fort que notre propre cerveau. C'est-à-dire que nous, on avait des addictologues dans certaines applis sur lesquelles je bossais. Et ces addictologues, donc le métier, c'est de rendre chimiquement accro les utilisateurs de l'appli, ils étaient eux-mêmes addicts et ils n'arrivaient pas à sortir de leur... Non, mais c'est juste pour illustrer où on en est aujourd'hui. Et donc, ces boîtes-là, qui donc génèrent des profits plus importants parce qu'elles s'affranchissent des normes écologiques et sociales, deviennent hégémoniques, parce qu'elles ont les moyens d'être hégémoniques et d'écraser tout le monde. Et du coup, elles teintent la culture même du monde dans lequel on est. En fait, nos codes sociétaux, tout ce qu'on valide, tout ce qu'on trouve cool... bien souvent c'est teinté par ces moyens en marketing et c'est les boîtes les plus horribles entre guillemets qui peuvent avoir ces moyens là parce qu'elles s'affranchissent des contraintes et donc souvent elles laissent pas la place à un tissu local bien organisé avec des trucs jolis et sympas parce qu'en fait elles bourrinent en neuromarketing avec des telles quantités d'argent que ça écrase à chaque fois ce que tu essaies de construire et donc c'est ces choses là qui m'ont moi un peu fait prendre du recul et qui m'ont convaincu qu'il fallait aller quand même travailler avec le monde tel qu'il est et faire en sorte qu'on réussisse à faire bouger des trucs du côté de ces grandes entreprises ou du côté des mécaniques entrepreneuriales qu'on voit aujourd'hui. Et c'est extrêmement compliqué. Enfin, je vais pas te mentir, c'est peut-être le truc le plus compliqué. Mais en fait, moi, quand je vois à quel point il y a de la résistance en face, je comprends que je suis au cœur du système, tu vois. Parce que vraiment, c'est l'endroit où... C'est vraiment l'endroit le plus dur du monde, je trouve, d'aller travailler à faire changer ces trucs-là, à faire changer les modèles d'affaires de boîtes établies qui n'ont aucun intérêt à changer, avec des modèles qui ont toujours été comme ça. Et pourtant, tu vois, c'est ce que je m'étais dit si je fais l'analogie. Je pourrais me dire, je vais faire un éco-village tranquillou en Haute-Savoie, là où j'habite, et puis fuck le reste du monde, comme ça, tout va bien se passer. Mais en fait... Je vois déjà la forêt dépérir, je vois déjà les incendies qui vont arriver, je vois déjà l'eau qui se raréfie. Et même si mon éco-village, il est trop bien, il est génial et tout fonctionne super bien, bah, tant qu'il y a des types qui continuent comme si de rien n'était et qui continuent toujours pire avec une échelle et un volume d'impact qui est un million de fois supérieur au mien, finalement, à la fin, mon éco-village va brûler. Quoi. Et du coup, tu vois, c'est un peu ça mon raisonnement. Je suis complètement pour qu'il y ait un maximum de scope. Mais par contre, Je pense que si on ne va pas mettre les mains dans le cambouis de là où ça se passe quand même aujourd'hui, ces initiatives, elles vont pas tenir, tu vois. Bon, après, voilà, c'est pas... Là, je suis sur le côté un peu négatif de la médaille. Après, on passera sur le côté positif. Je t'ai pas prévenu. En fait, on va assez peu parler de ce que vous faites avec Team for Planet, For the Planet. L'objectif, en fait, c'est que tu me racontes comment vous avez réussi à faire ce raz-de-marée. On peut parler vraiment raz-de-marée. Je sais pas si toi, tu l'as conscientisé, tu l'as vécu et tu le dis comme ça. C'est ça aussi le propre de l'être humain. Et je pense qu'aussi, c'est un peu... Bah, du coup, une vertu, mais souvent une faiblesse, c'est qu'on normalise très vite ce qu'on arrive à avoir et on le rend comme évident et on s'y habitue. Mais en quelques années, tous les écosystèmes dans lesquels j'allais, à un moment ou un autre, me parlaient de ce que vous faisiez comme Time for the Planet, puis Team for the Planet. Et sur des sujets qui, encore une fois, de loin ne me parlent pas, j'ai vu des gens de différents milieux, de mes proches, qui se sont intéressés à ce que vous faites, alors que franchement, j'aurais pas parié, quoi. Comment tu me racontes ça? Comment tu me l'expliques? Et comment tu me dis, en fait, que vous avez créé un truc, un machin, je sais pas comment le définir, qui a pu autant enthousiasmer, enthousiasmer non pas en mettant les gens comme suiveurs, mais en plus en les mettant, mais comme vraiment des porte-voix, des personnes qui se sont investies massivement, qui ont derrière relayé les messages, essayé de toucher d'autres personnes. Enfin, il y a eu... Enfin, vous ne mettez pas les gens sous cloche, quoi. Vous les empuissantez. Très joli mot. J'ai souvent attendu la traduction française de « empowerer ». Bravo de m'avoir regardé ça. En fait, je pense que beaucoup de gens sentaient ce truc dont on essaye de parler depuis le début, et c'est dur de mettre des mots dessus, qui est que en gros il faut quand même qu'on marie écologie et économie, sinon ça va pas marcher en fait. Tu vois, beaucoup de gens commençaient à sentir qu'après des décennies d'écologie qui opposait justement l'économie à la plupart des actions, bah, on n'avançait pas et on n'y arrivait pas, et ce rouleau compresseur de l'économie il déboîte tout le monde. Et moi, mes associés, pour la plupart, hein, c'est des gars qui ont été beaucoup justement dans les manifs il y a 10 ans, tu vois, qui ont été des gens ultra fans de Karabi, ultra fans de Mohamed Younous notamment. Enfin bon. Et en fait, c'était un peu ce ressenti-là qu'on avait tous. C'est on va pas y arriver avec un peu de bénévolat à droite à gauche. Ça va pas marcher. Et je pense que beaucoup de gens ont commencé à sentir ce truc sans trop l'exprimer, sans trop être capable de faire le pont et la jonction. Et nous, notre boulot, ça a justement été de se dire, on peut peut-être l'incarner, parce qu'on a une phase de nous un peu start-up, économie, qu'on a explorée et qu'on aime bien. Et on a aussi une phase de nous vraiment écologiste, ultra fan de nature et suffisamment proche, je pense, du monde de l'écologie pour que les deux mondes, tu vois, puissent se servir de nous comme d'un pont. Et je pense que ça a été ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on essaye d'être et d'incarner. On a toujours cherché à rassembler. Une des lignes de conduite de Team for the Planet, c'était on ne tape jamais sur personne. C'est très facile de faire du buzz et justement de faire des vues en tapant. C'est le truc le plus facile. Mais nous, on s'est toujours dit, il faudra jamais qu'on tape sur personne, parce que le challenge aujourd'hui, c'est de rassembler. Et c'est de rassembler des gens qui n'ont pas les mêmes vécus, qui n'ont pas les mêmes expériences, qui n'ont pas la même vision du monde, qui n'ont pas le même bord politique. Mais si on tombe dans le jeu de... je tape sur le pouvoir en place parce qu'il fait pas les bons choix, je tape sur tel ou tel parce qu'ils travaillent dans des entreprises prédatrices. Nous, on avait cette conviction qu'on allait polariser la société et que peut-être qu'à très court terme, il y aurait quelques premiers résultats, mais qu'à moyen terme, en fait, on se retrouverait plus dans une situation limite de guerre civile que dans une situation justement de 2030 glorieuse. Donc ça, c'était le premier truc. Et ensuite, comment est-ce que le raz-de-marée a pris? Franchement, je pense qu'il y a un ingrédient, c'est qu'on y a mis tout ce qu'on avait. Enfin, vraiment. Enfin, tu vois, on y a mis toute la sincérité qu'on pouvait. En fait, quand tu lances un truc comme Team for the Planet, pendant des mois et des mois, tous les types qui te découvrent, ils disent c'est une arnaque, c'est une pyramide de Ponzi, ces mecs vont se faire de l'argent sur le dos de l'écologie, etc. Et c'est le réflexe normal. Et j'ai presque envie de dire tant mieux, parce que il y a eu tellement d'arnaques, tellement de gens qui se sont fait niquer, justement, que les gens sont méfiants. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est une structure auto-apprenante qui s'améliore tout le temps. C'est que les gens cherchent toujours la petite bête. Et ça, c'est très bien. Mais quand je dis qu'on y a tout mis, c'est que On a travaillé comme des fous furieux, on a fait 2 ans et demi de bénévolat et on a été dans la transparence absolue parce qu'on s'est dit que c'est la seule manière de construire un réseau d'ambassadeurs. Donc quand je dis transparence absolue, c'est nos comptes sont publics, tu peux aller voir sur notre site, qui que tu sois, même sans être actionnaire, nos comptes. Bon, nos salaires sont capés à 4 fois le SMIC, ça change pas le monde, mais au moins ça montre pourquoi on le fait et on n'a aucune solution d'enrichissement autre que ça. On n'a pas d'action de Team for the Planet et de toute façon, les actions de Team for the Planet n'ont pas de valeur financière, tu peux rien en faire. Parce que nous, on émet tout le temps des actions à la valeur nominale. Donc, personne ne va vouloir acheter une action plus chère. Donc ça, c'était un des gros points. Et puis après, c'est le modèle justement entrepreneurial et c'est là qu'il est intéressant. On aurait pu faire une asso, hein. On aurait pu faire une fondation, on aurait eu la DEFIS, on aurait eu plein de trucs. Mais nous, on a dit non, faut travailler à faire changer les entreprises. Et un des trucs qui est génial avec l'entreprise, c'est que les gens sont actionnaires, ils sont copropriétaires et donc du coup, ils ont accès au plus haut niveau d'information. Ils peuvent tout voir en interne pendant les assemblées générales et surtout, légalement, on est obligé de répondre à leurs questions en AG. Ça, c'était un truc qu'on trouvait cool. C'est-à-dire que si un actionnaire te pose une question sur ton salaire, sur une dépense, sur n'importe quoi qui concerne la boîte, même s'il a mis 1 euro le gars, si tu ne réponds pas, t'es passible de poursuite. Et donc, si tu veux, ça crée un cocon de confiance, je pense, qui met quand même bien les choses à plat. Après, tu auras toujours des types qui te regardent de loin, qui n'ont pas lu, qui n'ont pas fait le travail de comprendre ce que tu fais, qui vont répandre des bruits de couloir. C'est un peu le truc quand tu fais du bruit. Mais par contre, ça crée une structure et une coquille super solide pour être capable justement d'embarquer les gens. Et une fois que tu as fait ça, je pense que les gens, ils sentent qu'on y a vraiment mis... Enfin, vraiment, c'était notre conviction absolue qu'il fallait essayer de faire ce truc Team for the Planet. Et je pense que beaucoup ont senti ce qu'on essayait de faire avec ces nouveaux modèles d'affaires, tu vois. Au-delà des innovations et tout ça, les innovations, quand tu grattes pas trop, tu t'en restes là et tu dis cool, ils aident des innovations à émerger. Mais en fait, je pense que beaucoup ont compris la profondeur du modèle parce qu'on a mis beaucoup de documentation à disposition. Et ces gens-là ont vraiment fait la diff. Parce qu'en fait, ils ont porté Team for the Planet, ils sont devenus ambassadeurs. Et là, nous, on y a aussi mis un peu ce qu'on connaissait des réseaux sociaux, ce qu'on connaissait, tu vois, du digital. On s'est dit, les gens ont des vies stressantes, les gens ont des vies fatigantes, ils ont pas beaucoup de temps, ils ont tous envie d'aider. Ça, faut vraiment pas en douter. Les gens ont envie d'aider. Évidemment qu'ils veulent faire des trucs mieux et qu'ils veulent aller vers un monde mieux. Mais il faut être capable de comprendre que c'est un peu comme ce qu'on se disait tout à l'heure. Bah, le monde tel qu'il est, c'est je me lève à 8 heures, je m'occupe des gosses, je vais bosser, je suis explosé de fatigue, je rentre le soir et je ne peux pas faire une deuxième vie pour faire décoller Team for the Planet. Et donc, le travail, ça a été de créer des contenus hyper simples, faciles à diffuser, de leur donner les moyens de les diffuser pour que ça soit efficace, donc typiquement en les synchronisant tous ensemble, parce que si tu as juste un type qui fait un post une fois de temps en temps à droite à gauche, tu fais pas vraiment bouger les lignes. Par contre, quand tu commences à avoir 1000, 2000, 10 000, 100 000 qui postent le même jour, le même truc, et tu leur donnes tout pour que ça leur coûte un clic, et tu as créé le cadre de confiance pour qu'ils sachent que ce que tu leur proposes, c'est pas un truc, il n'y a rien de caché derrière. Bah, en fait, là, tu commences à avoir des vrais effets d'échelle qui permettent d'avoir énormément d'impact. Et nous, on a beaucoup joué là-dessus, tu vois. On s'est dit, il faut qu'on demande aux gens des toutes petites actions hyper simples, mais il faut qu'on les synchronise intelligemment, qu'on utilise le digital et les outils qu'on a, qu'on fasse des contenus, et c'est à nous de faire le job, où tout est prêt et le contenu est vraiment très bon. Et là, les gens, ils nous aideront. Et là, on pourra faire des vagues un peu puissantes. Mmh. Tu vois, ce qui a vraiment fait la diff avec Team for the Planet, c'est les OP collectifs, comme on les appelle. On dit aux gens, on explose LinkedIn aujourd'hui. On le fait 3 fois par an. Hein. Mais par contre, vous nous explosez LinkedIn avec nous. On vous demande pas grand-chose, mais cette action, parce qu'on va la faire tous ensemble et parce que vous n'avez rien d'autre à faire qu'un clic, elle va tout changer. Et c'est vrai. Enfin, tu vois, à chaque fois, on fait... entre 5 et 15 millions de vues, quoi, quand on fait une OP collective. Ouais, c'est fou. Et organiquement, quoi, sans dépenser 1 euro. Donc, ça, c'est assez chouette aussi. Donne-moi le curseur. Dis-moi l'endroit où vous êtes, si jamais on devait dessiner ce triangle entre incarnation, héroïsation et innovation, coolitude, Startup Nation et réalité des enjeux, frugalité. Comment on arrive à garder en ligne de mire le fait que vous êtes en train de travailler à une société post-croissance, on l'appelle comme on veut, mais quand on va avoir les innovations sur votre site internet, c'est souvent de la low-tech, c'est quand même des choses qui sont de la frugalité. Moi, je n'aime pas trop le mot de la sobriété, mais qui sont vraiment vers ça. Et donc, si on analysait le modèle économique auquel les innovations contribuent, il y en a qui diraient, mais en fait, vous êtes pour une société de la décroissance, etc. Et pourtant, vous arrivez à avoir les codes qui font que bah, ça marche sur les réseaux sociaux, ça mobilise. Et du coup, question subsidiaire, comment toi, tu assumes le fait d'incarner ça, la mise en avant, l'incarnation qui, moi, du coup, sur les réseaux sociaux, m'a beaucoup coûté. Donc, je suis très fier de m'être complètement départi à travers la communauté 2030 Glorieuse. Ça, c'est la question annexe. Bravo de l'avoir fait, parce que c'est pas évident. Hein. Et la question de l'incarnation est un vrai sujet aussi pour nous et pour moi, parce que tu vois, nous, on veut que ça nous dépasse, mais il y a quand même, j'ai l'impression, au démarrage, besoin d'identifier sur qui on va taper si c'est une arnaque aussi, tu vois. Et je pense que ça a participé à rassurer que moi, j'assume, je vais mettre en avant. D'ailleurs, je me rappelle très bien au démarrage de l'aventure, j'ai dit, les gars, là, je vais vraiment mettre ma gueule de partout. Je vais faire en sorte qu'un maximum de gens me fasse d'abord confiance avant de faire confiance à la structure, parce que je sais qu'au début ils vont s'accrocher à un humain. Ça, c'est en train de changer, mais en tout cas au départ c'est ça. Donc derrière, faut pas qu'on merde en exécution, et vraiment je vous fais une confiance aveugle aussi pour que on respecte tous les principes qu'on a mis dans nos statuts, quoi. Enfin bref, c'est une question hyper compliquée que tu me poses, et en plus qu'on m'a jamais posée, mais c'est hyper intéressant. Franchement, je vais te dire un truc, je sais pas si ça peut paraître bizarre, mais je crois juste qu'on était les bonnes personnes, parce que on était à l'endroit de nos vies où tout ce que tu viens d'expliquer sur ce triangle, bah on s'est retrouvé pile au milieu, quoi, tu vois. Enfin moi, j'ai grandi dans le Haut-Bugey, j'y suis là, chez mes parents, au milieu de la nature. Toute ma vie, j'ai été dans la nature. Je voulais être paysagiste. Mon occupation quand j'étais petit, c'était de creuser des mares dans leur jardin. Je l'ai fait 50 fois. Je sais pas comment ils m'ont pas enterré dedans. Je connais tous les batraciens, tu vois, les plantes aquatiques et tout. J'adore ça. J'ai encore retrouvé un livre tout à l'heure en rentrant où je mettais des petits marque-pages dans des livres quand j'avais 8 ans sur les différentes plantes aquatiques. Enfin bref, c'était ma vie, tout ça. Et puis après, j'ai été happé par la Startup Nation alors que j'étais en fac de sport. Enfin, tu vois, j'avais jamais prévu d'être entrepreneur. Et du coup, j'ai été happé par la Startup Nation. Je me suis retrouvé là-dedans. J'ai dû comprendre des codes que je maîtrisais pas du tout. Mes associés, c'est un peu pareil, tu vois. Ils avaient monté des colonies de vacances pour aider des enfants handicapés à partir grâce au profit de la structure. Enfin bref, ils avaient fait des trucs super chouettes. Et après, ils ont été happés par la startup. Attends, Arthur, excuse-moi, je t'interromps. Et on a une personne qui vient de se connecter. Coucou. Est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? Merci. Pardon, t'as été apaisé par la Startup Nation. Continue, vas-y. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, on a un peu découvert les différents mondes, et je crois qu'on est arrivé à un moment où on était vraiment pile au centre, quoi. Tu vois, c'était un peu ça. On arrivait à faire la réunion entre différentes tendances de société, différentes histoires sociales qui étaient là, qui étaient fragmentées, et je pense qu'il y avait besoin aussi de créer un peu plus une union. Ce que tu me dis, c'est qu'en fait, vous n'avez pas trop conscientisé justement la teneur de votre message, parce que c'est un message qui est quand même assez positif, assez entraînant. C'est un message du pour, c'est un message un peu de l'innovation, mais en fait, c'est quand même un message de la frugalité, c'est un message de l'humanité, c'est un message de la communauté avant tout. C'est quand même quelque chose qui arrive à être un peu à la croisée de tout ça. Tu vois, jusqu'à quel point on arrive à trouver l'alchimie, jusqu'à quel point on la décide, ou est-ce que c'est un coup de peau, quoi. Ouais, mais en fait, si, on avait bien conscience. Enfin, nous, on avait l'impression que quand même l'écologie de la colère et l'écologie de la peur, elle avait pas réussi à faire son truc, tu vois. Enfin, c'était très bien et c'est utile. Pas dans la massification, quoi. C'est ça, ça créait pas le truc. Et on a été très clair au départ, je me rappelle, on s'est dit, nous, notre but, ça va être d'élargir la bulle écolo, quoi. Tu vois, on va pas être là pour aller travailler avec ceux qui comprennent déjà. On va essayer de faire grandir le truc avec des gens qui s'intéressent au sujet de loin et qui connaissent le monde économique. C'est pour ça que c'est LinkedIn qui a été vraiment notre terrain de jeu aussi, tu vois. Et plutôt des décideurs économiques et politiques. Alors, on assume complètement de pas être dans les banlieues, Team for the Planet, tu vois. Parce que pour nous, c'est même presque éthiquement insultant, tu vois, d'aller se concentrer sur les banlieues alors que c'est d'abord les décideurs économiques et politiques qui ont de l'impact négatif et qui créent les émissions de carbone, typiquement. Donc bon, on a voulu aller sur ça et on était très clair là-dessus. Et après, donc clairement, le truc enthousiasmant positif, je crois que c'est parce qu'on est comme ça aussi, tu vois, et que nous, on pouvait pas porter le truc autrement, sinon ça allait nous tuer, en fait. On allait juste pas réussir à le porter autrement et ça nous fait du bien. Et tu vois, moi, je suis devenu écolo en cherchant à être plus heureux. Enfin, clairement, enfin, c'est parce que j'ai voulu me libérer d'un certain nombre d'injonctions de la société du toujours plus, de l'hyper-accumulation, tu vois, de la société de consommation, quoi, que j'ai réalisé que mon empreinte sur les écosystèmes était en train de baisser et que je devenais écolo. Mais tu vois, j'avais pas ce plan-là. Et je pense qu'on a remis un peu ça dans Team for the Planet. On a vu que c'était un truc qui parlait à beaucoup de gens et qu'il y avait plein de gens qui avaient besoin d'aller sur le sujet de l'écologie, mais le côté anxiogène les bloquait littéralement. Ils avaient beaucoup de mal à s'approcher du sujet parce que c'était trop anxiogène. Et en fait, les sociologues, ils te montrent qu'on a besoin de la peur. C'est un outil hyper important. Le problème, c'est que les gens n'arrivaient même pas au stade où ils pouvaient accepter la peur. Et du coup, bah, tu avais plein de gens. Et tu vois, je pense que c'est aussi un petit problème de la fresque. C'est que malgré tout, la fresque, ça a été quand même, ça s'est très bien diffusé. Mais tu as plein de gens qui savent, qui sentent que ça va faire peur. Et du coup, ils n'y vont pas. Ils restent en retrait, tu vois. Et donc, nous, on s'est dit, bah, on va faire ce petit drop. Et d'ailleurs, on l'a constaté. On a plein de gens qui sont devenus actionnaires Team for the Planet. Et ensuite, ils ont fait les fresques, etc. Ils se sont radicalisés. Et ils sont revenus nous voir en disant, oh, les gars, vous n'êtes pas assez radicaux avec Team for the Planet, quoi. Et en fait, ben, mec, t'es venu parce que justement, on crée cette main tendue. Donc, je pense que c'est nous, c'est notre ADN, tu vois, on avait envie de jouer comme ça. Et je suis hyper content que tu perçoives justement ce qu'on défend profondément, parce que c'est ce qu'on défend profondément. Et l'amalgame se fait très, très vite quand t'as le mot innovation, quand t'as le mot économie, le mot entreprise. Nous, on défend profondément justement une évolution des modèles d'affaires pour aller vers une société plus frugale, en effet, et vers une société où on a besoin de moins. Mais par contre, on est convaincu, et on l'avait d'ailleurs écrit au tout début de Team for the Planet, que le monde de demain, vu les trajectoires dans lesquelles on est et vu les exponentielles qui s'affrontent, ben, ça sera probablement quelques taxis autonomes électriques dans une ville et plein de vélos à côté, tu vois. Ça sera, en fait, ce sera pas que des vélos ou que des voitures électriques autonomes, quoi, tu vois. Il y aura un espèce de mélange, et en fait, je pense qu'on en prend la direction, et c'est pas grave, c'est plutôt cool. Si les taxis qui permettent d'avoir une voiture qui est utilisée 100% du temps versus 4% du temps pour les véhicules privés aujourd'hui, qui sont électriques et qui sont pensés pour la mobilité urbaine sans poser problème à des mobilités douces qui sont beaucoup plus massives demain. Pourquoi pas, tu vois? Mais en fait, c'est juste qu'on oppose toujours deux mondes. Alors, je pense que le sujet, c'est la réunion de ces deux mondes à la fin. Comment tu fais pour pas être en colère? Comment tu fais pour pas, de temps en temps, laisser plus de place au côté obscur de la force. Et la question un peu liée à ça, c'est derrière, individuellement et collectivement, comment vous faites pour remettre à jour votre message avec Team for Planet? Parce que en fait, je me suis rendu compte que les 2030 Glorious, tu vois, elles existent depuis 2020. Le format d'atelier existe depuis 2021. Je l'ai remis à jour en 2023. Et c'est fou à quel point il y avait déjà plein de trucs qui étaient dedans, qui se sont largement normalisés. Et à quel point la société en ce moment, elle bouge vite. Et donc, on peut vite passer pour aussi des gens un peu has-been. Donc, bon, première question, toi, comment tu fais pour ne pas être en colère? Et la mise à jour, elle se fait comment? Est-ce que vous avez l'impression encore d'être éclaireur, de suivre? C'est chouette, tes questions. Hein. J'aime beaucoup. Non, c'est vrai, ça change. On sent que vraiment, tu as réfléchi à la mort au sujet. Enfin, je le sais, hein, mais juste, c'est cool. Alors, je ne crois pas que je sois un être de colère, en fait. Parfois, j'ai des petits bads, évidemment, tu vois, mais c'est pas de la colère. Genre, par exemple, quand je vois que vraiment il y a un énorme dépérissement de scolytes chez moi et qu'il y a un pan entier de forêt que je voyais être verdoyant, qui d'un coup est dégueulasse, il y a des fois, ça me fait mal au fion, hein, je vais pas te mentir, ça m'arrive d'être quand même pas très bien. Mais par contre, j'ai cette chance, je crois, génétiquement, de pas trop avoir la colère, quoi. Ça me vient pas, ce truc de colère. J'ai jamais trop compris justement, et j'ai beaucoup d'amis activistes très en colère, hein, mais je ne comprends pas le truc en fait. Je sais pas te dire exactement pourquoi. C'est pas un truc qui m'habite. J'ai plutôt de la tristesse ou de la solastalgie, et ça dure pas très longtemps. J'ai la chance d'avoir de l'énergie qui revient. On verra, hein, peut-être en vieillissant, ça va changer. Mais en tout cas, pour l'instant, la colère me semble pas faire partie du logiciel Arthur Boeuf, quoi. Après, c'est dur à expliquer. Je sais pas trop te dire. Peut-être parce que j'ai une vie heureuse et j'ai eu la chance d'être privilégié, tu vois, d'avoir une belle vie à la campagne, dans les montagnes. Et justement, la nature m'aide beaucoup, tu vois. En fait, moi, je me dis toujours, peu importe ce qu'on rate ou ce qu'on réussit, tant que je peux aller faire ces promenades dans la forêt et que je peux m'asseoir sur un tronc d'arbre et juste écouter les oiseaux, franchement, le reste, ça va aller, quoi, tu vois. Et je pense que ça, c'est mon antidote, ça m'a toujours aidé. Et après, juste en transition avant ta deuxième question, il y a un truc que j'ai remarqué aussi, et ça répond un peu à la question d'avant, c'est à quel point, enfin, c'est dur à exprimer, à quel point on n'est pas pareil collectivement qu'individuellement. Enfin, je veux dire, c'est fou à quel point une somme de comportements individuels orientés dans un sens peuvent créer une orientation dans le sens opposé quand ils sont synchronisés, tu vois. C'est assez bizarre, mais en fait, c'est un truc que j'ai souvent remarqué. C'est fou comme les sociétés humaines ça crée un tiers, hein, quelque chose de tiers en termes de fonctionnement ou tu vois, d'orientation. Et donc ça, c'est un truc qui est dangereux et qui est piégeux et auquel on fait attention avec Tim. Et du coup, en essayant de m'embarquer là-dedans sans arriver à apporter la moindre valeur ajoutée, j'ai oublié la deuxième question. C'était quoi déjà? Comment vous faites pour ne pas devenir has-been? Supposément, vous êtes éclaireur à l'innovation. Vous êtes un peu dans ce qu'on peut percevoir de ce que vous faites avant-gardiste. Et la société, elle va vite. Comment on fait pour ne pas se faire avoir? Parce qu'il y a justement parfois des solutions qui ont l'air désirables, qui ont l'air souhaitables et qui en fait tiennent de la fumisterie. Est-ce que vous avez, vous, des outils pour vous prévenir de ça? Et en réalité, la question un peu planquée derrière ça, et du coup, je te la pose vraiment, c'est comment vous faites ces moments collectifs, quels espaces vous avez pour rêver ensemble? C'est quoi les moments où vous dites, mais en fait, la vision, et ça sera ma prochaine dernière question, quand toi, tu as ta vision et que tu as réussi à faire ce que tu devais faire, ta société, elle ressemble à quoi? Ta France, elle ressemble à quoi? Ta vie, elle ressemble à quoi? Si ça marche, ça marche bien et tout s'enchaîne bien dans les 10 ans à venir, c'est quoi ta vie? Donc, on va revenir là sur, pour l'instant, ce qui vous permet de continuer à garder cette image d'éclaireur et puis ensuite, on verra pour les rêves. Écoute, je ne sais même pas si on a encore cette image d'éclaireur, pour être tout à fait honnête, hein, parce que comme tu l'as dit, il y a plein de trucs qui bougent vite et c'est très cool. Enfin, nous, on a toujours été assez à l'aise avec ça. On s'est toujours dit, si on se trompe de route et qu'on le constate, on n'aura pas de problème à arrêter en fait, et à dire... Ah ben les gars, en fait, le monde a changé, avance, et il y a des choses qui étaient floues, sur lesquelles on tâtonnait avant, qui commencent à être beaucoup plus claires. Et en fait, on voit que l'action qu'on a entreprise à l'époque où c'était flou, en pensant que c'était sûrement une bonne direction, c'est pas la bonne, tu vois. Donc ça, on n'a pas de problème, on l'a toujours dit aux gens, je pense qu'ils en ont conscience. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça ne fait que renforcer le fait que la direction qu'on avait prise est plutôt la bonne. Par contre, là où je te réponds, c'est que prends pas le même angle pour raconter Team for the Planet en fonction justement de l'histoire sociale. Tu vois, quand on a commencé direct post-Covid, justement, on a remarqué que parler de nouveaux modèles d'affaires, c'était dur, quoi. Tu vois, les gens, ils savaient même pas comment marche une entreprise. Enfin, personne n'avait vulgarisé le fait que l'entreprise, c'était quand même le cœur de ce qui fout le bordel. Et du coup, arriver et dire, nous, on travaille sur les nouveaux modèles d'affaires pour créer de nouveaux indicateurs extra-financiers, mais qui sont même supra-financiers. Le truc, les mecs, c'est impossible. Donc, au départ, on a beaucoup communiqué sur le fait qu'ensemble, on est plus fort et que si tous les citoyens se mettent ensemble, ça peut avoir de l'impact. Ensuite, on a switché un peu l'histoire sociale pour parler plutôt des solutions, des initiatives qu'on déploie et auxquelles on permet d'avoir beaucoup d'impact parce qu'on a senti qu'il y avait une espèce de vibes techno-solutionniste. Et je te le cache pas, on s'est dit cette histoire sociale, on va la surfer, mais on va sans cesse rappeler que la technologie seule, ça ne servira à rien. Et que la technologie, c'est un mot très large et fourre-tout, mais c'est pas forcément faire de l'astéroïde mining. Ça peut aussi être justement une low-tech, voire même une no-tech. Et donc ça faisait partie de ce qu'on a surfé pendant un bon moment. Et là, depuis quelques mois, années, même si on connaît par exemple Éric Duverger de la CEC depuis très longtemps, on sent qu'il y a des trucs qui crantent autour des nouveaux modèles d'affaires. On a un peu fait partie des gens qui ont ouvert ça. Mais là, le truc est en train de cranter. Et du coup, on sent que les gens sont un peu plus prêts. Donc, on se tourne vers des gros décideurs économiques, pour le coup, et on leur parle de ça. Et en fait, on change aussi complètement le quotidien de Team for the Planet. Tu vois, au départ, le but, c'était d'avoir un maximum de citoyens. Maintenant, on a fait notre preuve avec les citoyens. On a suffisamment, entre guillemets, de réseau et de puissance grâce à ces citoyens. Bon, le but, c'est d'aller bouger des grands investisseurs qui sont capables de financer Team for the Planet à une toute autre échelle. Et donc là, on parle plus du tout au même cercle. On fait plus du tout les mêmes types de com. Tu vois, et on assume ça. Et en fait, on reste pas dans la vibe initiale parce que de toute façon, elle serait périmée à l'heure actuelle. On va pas recommencer des campagnes de I joined, tu vois, sur les réseaux. C'est plus le sujet. Donc maintenant, on fait d'autres trucs de là où on en est en utilisant ce qu'on a fait avant et on cherche toujours à aller là où c'est le plus efficace. Et donc pour moi, là, en ce moment, le plus efficace, c'est d'aller travailler avec le monde économique vraiment qui commence à se poser des questions grâce à des gens comme Eric et la CEC. Et donc c'est là qu'il faut aller travailler pendant 1 ou 2 ans. Et peut-être que dans 3 ans, tu vois, il va falloir aller au Parlement européen avec le dividende climat parce qu'il y aura un énorme sujet sur les indicateurs et on ira là-bas. Et en fait, on portera le truc. Notre constante, c'est l'action qu'on mène avec les boîtes de Team for the Planet qui commencent à avoir beaucoup d'impact d'ailleurs, donc c'est génial. Mais la façon dont on le raconte et l'angle d'attaque du truc, bah, il faut s'adapter à l'histoire sociale, tu vois. Je pense que c'est hyper important. Ça, c'est le comment. Et ouais. Ça veut dire bien sentir son public. Et je pense que, en fait, en réécoutant cet échange, et notamment les gens qui, du coup, le réécouteront, que ce soit dans le podcast et les guides auxquels ça va être adressé en premier, ils vont se rendre compte qu'en réalité, bon, il y a un vrai travail d'analyse des publics et d'analyse du message avec un rythme même presque à définir, une stratégie de diffusion, un élargissement du cercle. Et donc là, à travers ce que tu nous racontes, on perçoit ça. Mais Donella Meadows, qui a écrit le rapport Meadows, elle disait qu'en fait, on se perdait beaucoup dans le comment et dans le financier, dans le technique, mais on ne parlait jamais du vers quoi. Vous, maintenant que vous êtes très bon dans le comment, comment vous avez. C'est quoi les espaces où vous travaillez votre vision? Et c'est quoi le moment où vous allez disparaître parce que vous aurez réussi? Je veux juste mettre un peu d'humilité. Hein. On est très bon, je ne sais pas, on verra parce qu'on est loin d'avoir réussi. C'est très dur à plein d'égards. Je ne suis pas du tout sûr que le monde économique va réussir à nous financer et qu'on va réussir à faire cranter justement ce nouveau modèle d'affaires. Mais bon, on verra. Vous avez l'air d'être très bon, pardon. Non, mais c'est gentil et je prends le compliment en venant d'une personne de ta qualité. Mais par contre, je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que il faut faire ce que l'on est. Et tu vois, nous, on a toujours été cohérents. On mûrit aussi, on progresse aussi, on comprend mieux les enjeux aussi. Donc forcément, on adapte ce qu'on fait à notre compréhension des enjeux. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'on fait que progresser. Nous, le vers quoi, il est assez simple. Hein. Enfin, moi, en tout cas. Moi, vraiment, mon rêve, c'est qu'aujourd'hui, on ait une grande expérience de nouveaux modèles d'affaires et que demain, ça devienne banal, en fait, juste d'avoir d'autres indicateurs typiquement avec ses actionnaires. Petit point de pédagogie, mais en gros, aujourd'hui, les boîtes, c'est les actionnaires qui décident vraiment. C'est en tout cas ça qui fait la diff. Tu peux avoir le meilleur CEO du monde. Si les actionnaires sont pas d'accord, il va dégager, quoi. Et en fait, les mécaniques actionnariales aujourd'hui, là encore, le verre est dans le fruit parce que c'est le schéma de fonctionnement qui encadre les actionnaires qui fait que, par essence, les actionnaires sont portés sur la rentabilité maximale. En fait, à chaque fois, quand ils font des choix, on leur amène « Voulez-vous gagner plus d'argent ?» Oui, non, si je suis un peu caricatural. Et comme ils sont loin de la réalité opérationnelle de ce que fait leur argent sur le terrain, et qu'en plus, il y a la division de la responsabilité parce qu'ils sont des centaines de milliers, les mecs choisissent tous, évidemment, « Je veux gagner plus d'argent. » Et ça provoque des effets structurels en cascade qui font qu'à la fin, nos boîtes sont des enfers prédateurs, quoi. Et même une boîte géniale qui a été pensée pour avoir des belles externalités positives, à la fin, la structure systémique dans laquelle elle évolue et dans laquelle elle grandit fait qu'elle va produire des externalités négatives qui dépassent les externalités positives. Donc moi, le but, le rêve, c'est que on arrive à participer à ce que cette structure qui crée une systémique dans le monde de l'entreprise puisse faire en sorte que les entreprises deviennent plus vertueuses. Et pour moi, ça passe par les indicateurs. On peut plus du tout réfléchir avec un seul indicateur et encore moins un seul indicateur financier. Il faut absolument que maintenant, on ait des indicateurs d'utilité. Donc moi, j'aurais réussi le jour où on considérera où la question que poseront les gens quand ils viendront en entretien d'embauche dans une entreprise ou les actionnaires avant d'investir, c'est quoi vos indicateurs d'utilité? Montrez-moi les performances d'utilité. Ça, pour moi, c'est mon rêve. Tu vois, ça, c'est la boîte de demain. Trop bien. Hier, j'interviewais Léo Miranda, qui est directeur marketing de la Nef. Et qui me racontait le moment où elle est disparaître la nef. Et donc, c'est ça le moment où disparaît Tim. En fait, c'est quand même un truc qui est génial avec les organisations, c'est qu'elles dépassent les humains. Je veux dire, les humains passent et l'organisation reste. Tu vois, c'est ça la force du truc, c'est que c'est quelque chose d'immortel. C'est pour ça que c'est une personne morale. Et donc, je ne sais pas si Tim Fordeman doit disparaître. Nous, dans nos statuts, on a écrit que le jour où, en gros, la neutralité carbone mondiale est atteinte, Tim Fordeman sera légué à l'ONU. Bon, ça fait partie des anecdotes, mais en vrai, tu vois, je ne sais pas si on atteindra la neutralité carbone. Si on l'atteint, Tim for the Planet n'aura plus de raison d'être. Mais là où ce que tu dis est important, c'est qu'il y a aussi cet effet pervers, encore une fois structurel des organisations, qui est qu'elles naissent pour répondre à un besoin. Une fois qu'elles ont fini de répondre au besoin, en fait, comme ça gagne encore beaucoup d'argent de fonctionner et de vendre, bah, elles restent dans une perspective de croissance qui fait qu'à la fin, elles deviennent des entreprises lucratives sans but, par opposition aux entreprises à but non lucratif. Et donc, le but avec Tim for the Planet, la disparition de Tim for the Planet, c'est le jour où on peut faire plus de mal que de bien. Tu vois, il faut qu'on soit capable de conscientiser ça. Et pour moi, le jour où clairement, il n'y a plus besoin de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire d'aider des innovations, des initiatives avec un très gros potentiel transformatif à changer d'échelle. Et dans un cadre entrepreneurial qui est devenu sain, il faut que Team for the Planet s'arrête. Mais moi, bien avant ça, j'aimerais être inutile à Team for the Planet. Moi, mon rêve, très honnêtement, c'est de pouvoir dégager de Team for the Planet à court ou moyen terme. Parce que je ne sers plus à rien, parce qu'on me dira, c'est bon mec, tu as fait ton job. Parce que moi, ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est pas d'aller à Bruxelles pour travailler sur les nouveaux modèles d'affaires, hein, pour être très honnête avec toi. Moi, je veux passer un maximum de temps dans la nature, en Haute-Savoie. Je veux accueillir des gens là-bas et leur montrer à quel point le monde est beau, quoi. Et donc, clairement, le plus vite tu es inutile, le mieux ce sera. Quelles sont les deux manières dont on peut t'aider? La première, les guides qui vont t'écouter, les guides de voyage en 2030 Glorieuse, qu'est-ce que tu leur demandes comme coup de main, là, de manière très concrète pour t'aider dans ta tâche, que ce soit avec, avec Tim ou pas? Et les personnes qui écoutent le podcast, comment là, ils vont pouvoir t'aider aussi pour… Pour les guides… Je voudrais leur demander de ne pas sombrer dans cette fatalité ambiante de l'enfer à laquelle on est ramené tout le temps. Pas spécialement pour m'aider moi ou Team for the Planet, mais je pense que c'est absolument nécessaire. L'humain est autoprophétique. Si on commence à imaginer que le futur c'est Mad Max, on va créer Mad Max. Et là, on est à l'intersection entre Mad Max et Avatar. Littéralement, parce que je pense que Avatar, c'est le film le plus écolo, qui a le mieux réussi en termes de diffusion sur les nouveaux imaginaires. Parce que justement, il a jamais dit que c'était un film écolo. C'est bien plus efficace que Don't Look Up pour moi, Avatar. Et donc, je pense qu'il faut cultiver cette vision de l'humain en crise d'adolescence qui va bientôt être adulte et qui va bientôt passer de vulgaire exploitant du monde à gardien du monde. Et Avatar, pour moi, arrive à nous amener à cette réflexion et nous pousse vers ça, tu vois, vers cet imaginaire qui est bon. Parce que pour moi, l'imaginaire du monde de demain, si on le projette assez loin, il est beaucoup plus spirituel, justement. Il est beaucoup moins dans la matérialité, parce qu'on a un boulevard, en fait, dans la spiritualité. Et attention, c'est pas faire l'amalgame avec la religion. La spiritualité, c'est juste l'inverse de la matérialité. Et je pense que Avatar est très bon pour ça. Tu vois, il arrive vraiment à nous pousser un peu vers ça. Donc, j'aimerais que les guides qui nous écoutent, et d'ailleurs, le mot est très bien choisi, guide, ne se laissent pas happer par cette espèce de morosité ambiante, qui crée, justement, un futur dystopique. Et je pense que le premier truc pour résister, et c'est vraiment de la résistance, c'est de continuer à se projeter justement et à accepter une utopie, même quand on se dit « en vrai, c'est ridicule, regarde la situation merdique dans laquelle on est, tout ça est utopique, on n'a aucune chance d'y arriver ». Mais ce n'est pas grave en fait, il ne faut pas lâcher, elle est là la résistance. Donc pour nous, quand on dit que quelque chose est utopique, on le prend comme un compliment. Parfait, c'est ce qu'il faut faire. Et surtout l'utopie… C'est le normal du futur, quoi, tu vois. Enfin, c'est juste le... Bon, bref. Et du coup, pour Team for the Planet, si les gens peuvent nous aider, franchement, encore aujourd'hui, en parlant de Team for the Planet et en essayant d'expliquer la profondeur de ce que l'on fait pour un peu nous aider à faire venir à nous, justement, des visionnaires ou des gens qui appartiennent au monde économique et politique et qui ont la capacité de comprendre pourquoi cette grande expérience de nouveaux modèles d'affaires, c'est juste une nécessité qu'elle réussisse si on veut inspirer et faire boule de neige, ce sera déjà pas mal, tu vois. Chouette. Merci Arthur. Ouais, j'ai vraiment appris à tes côtés pendant une heure et je trouve que c'est chouette d'avoir l'envie de vraiment s'attarder sur des questions et de pas sortir des réponses un peu toutes faites qu'on peut vite avoir l'habitude de sortir à force d'être interviewé. Donc c'était chouette d'avoir vraiment pleinement ton intention et ton attention, c'était cool, merci pour ça. On a Aura et Hortense qui sont avec nous, je ne sais pas où sont passés tous les autres, je suis désolé, on va mettre ça sur le dos des législatives, je crois. Et à la fois, ça ne veut pas dire que, quoi qu'il arrive, les guides ne le commenteront pas parce que ce sera les premiers à avoir le voyage qu'on a fait ensemble, l'échange qu'on a eu ensemble, et après, le podcast sera lui aussi largement écouté. Aura, Hortense, est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser à Arthur? Profitez de lui encore une dizaine de minutes. Qu'est-ce que c'était sympa. C'est alors même pas des questions parce que je crois que beaucoup de réponses sont apportées. Je trouve que en puissanter les gens, c'est vraiment ce qui s'est passé. Évidemment, moi, je suis aussi actionnaire de Team for the Planet. Je trouve qu'aujourd'hui, cet élan que t'as donné, on le retrouve aussi avec les 2030 glorieuses. Moi, j'aime bien quand vous êtes tous les deux, vous êtes pas animés par la colère. Et ça, c'est super. Et aujourd'hui, c'est tellement important de le dire. Et je trouve que, ouais, il faut avoir une vision. Et je trouve que là, aujourd'hui, dans tout ce que j'ai entendu, hein, c'est exactement ça. On ne tape pas sur les autres, on avance, on essaye de les embarquer, on empuissante les gens, mais c'est tellement ça. Et il y a un lien, moi, avec l'entreprise, hein, clairement, parce que tu parlais pas mal d'entreprises, Arthur. D'abord, tu disais les citoyens, puis ensuite, ben, comment je fais avec les entreprises. Et je trouve que oui, il faut que les entreprises, tu disais devenir écolo pour être plus heureux, mais en fait, dans les entreprises, c'est devenir plus heureux aussi pour devenir écolo. Et en fait, c'est ça, ce lien, cette convergence qu'il faut entre ben, l'humain, l'entreprise, et on est tellement liés. Oui, on est des milliards à travailler, et il faut qu'on soit dans ce plaisir-là en respect de la nature. Voilà. Donc ça, tout ça, ça m'inspire beaucoup, très en lien. Donc pas de questions particulières. Merci. Non, mais ce que vous faites avec 2030 Glorieuse, ça a ça de génial que le problème aussi principal, c'est qu'on n'a pas de projet de société. Tu vois, tous les humains qui se lèvent le matin pour aller bosser, aujourd'hui, c'est la grande démission, c'est l'épidémie de flemme aux États-Unis. C'est il y a un bouchon vers l'offre pour travailler pour le monde de demain, mais il n'y a pas cette offre, elle n'est pas là, et parce que le projet de société n'est pas clair. Donc, c'est évident qu'il faut réussir à faire naître ce projet où tu te dis, c'est fou à quel point l'imaginaire peut réussir à faire changer les comportements derrière. Je suis assez convaincu que, de toute façon, il faut un maillage de plein d'acteurs, dont 2030 Glorieuse, pour que ça puisse marcher. Et tu vois, c'est vrai que on est un peu... parce que là, tu vois, on se retrouve aux législatives avec encore... assez peu de vision, assez peu de propositions, assez peu de moments où on prend la parole pour dire qu'on est pour quelque chose et que la France, elle ressemblera à. On est beaucoup contre. Là, je viens de déplucher le document de ma députée que je connais par ailleurs très bien et que je soutiens à fond là pour les élections. Et en fait, le premier truc qu'elle dit, c'est qu'elle est contre l'extrême droite. Et puis ensuite, elle est contre. Et puis elle est contre. Et puis elle est contre. Et c'est les choses qui sont en plus surlignées. Et du coup, je pense que ça dit quelque chose pour l'instant de notre incapacité à arriver à une échelle nationale, voire supranationale. Mmh. Et à la fois, je pense que c'est une vraie opportunité parce que j'ai pas l'impression qu'on arrivera à avoir un rêve à l'intérieur des limites planétaires qui puisse être uniformisé et mondialisé. Et qu'on a besoin de reterritorialiser nos rêves, qu'on a besoin d'avoir une permaculture de mode de vie et qu'on ne peut plus juste avoir le American Way of Life qui serait remplacé par le Haute-Savoie Way of Life, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, je pense que c'est tant mieux. Moi, j'ai vraiment hâte de ce moment où, quand on voyagera, on verra des vraies différences dans notre rapport à l'autre, notre rapport au territoire, à la culture, à notre histoire et tout ça. Donc, je pense vraiment que c'est une chance. Et à la fois, pour l'instant... on n'est pas des moments où on nous apprend ça. On n'a pas des moments où on a l'impression que c'est important. On ne reconnaît pas la puissance de ça. Donc nous, on travaille beaucoup pour faire en sorte que les gens ils ressentent beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, un enthousiasme et une énergie à vivre ça. Et c'est un peu aussi la manière qu'on a de rester sain dans cette société qui est en train de vivre tous ces fracas, parce que le voyage en 2030 vers eux, ils rechargent les batteries. On aura besoin d'insister. Et j'ai bon espoir aussi que des structures comme la vôtre, elles insistent sur l'importance de raconter et à quel point c'est une arme stratégique puissante et de révéler la puissance de cet outil. Je pense que c'est un plus. Et c'est l'introduction que je te faisais, parce qu'avant de te donner la parole, Aura, j'avais une question de mon Arthur à moi, puisqu'on est deux salariés à temps plein. Sur les 2030 Glorieuses, on a été rejoints par deux autres personnes à mi-temps. Là, donc l'équipe est en train de se développer. On se hâte lentement, mais on se déploie. Et qui me disait, mais... lui, il sent qu'il y a beaucoup à faire sur LinkedIn. On est persuadé aussi que c'est le bon terreau parce que le milieu de l'entrepreneuriat, le milieu des entreprises, il est pile poil entre le politique et le citoyen. Le citoyen, on a eu un vrai élan depuis 2018. Il y a une compréhension, il faut encore massifier. Et le politique, on voit qu'il y a beaucoup de verrous. Et le milieu de l'entreprise, c'est, comme tu l'as dit, des superstructures hyper agiles, qui ont une capacité d'investissement, de transformation et de récit qui est hyper puissante et souvent un peu subie, parce qu'on a l'impression qu'avec le marketing, on doit juste vendre des trucs, alors qu'en fait, on raconte le monde. Quels sont tes conseils, toi, pour comment t'as réussi à hacker LinkedIn comme tu l'as fait, et pour des guides qui viennent proposer la valeur des 2030 Glorieuses, comment ils peuvent utiliser cette plateforme? Ouais, bah en fait, on ne peut plus hacker LinkedIn pareil aujourd'hui qu'hier, et on ne pourra pas le hacker demain comme on le hack aujourd'hui. Donc, c'est assez compliqué parce que ça change tout le temps et c'est le problème. Mais clairement, je pense qu'il faut des gens qui sachent faire du contenu, quoi. C'est le gros sujet. Enfin, tu vois, le contenu, c'est la base des bases. Et donc, pour hacker, entre guillemets, LinkedIn, il faut bosser à faire des contenus qui sont efficaces et pertinents sur la plateforme, sachant que ça change beaucoup. Tu vois, par exemple, là, c'est la vidéo qui est en train de devenir un gros sujet. Ils s'y mettent pas mal comme tous les autres. Ça ne veut pas dire que c'est le seul truc, mais en tout cas, il y a un gros sujet à être capable de, d'être tu vois, cohérent avec ce que les plateformes proposent. Parce qu'en fait, on est tous obligés de quand même se cantonner aux algorithmes et à ce qui est majoritaire tu vois, pour faire du reach en ce moment. Donc là, clairement, LinkedIn, aujourd'hui, comme là, je me concentre moins sur faire des millions et des millions de vues sur LinkedIn avec Team for the Planet, j'ai un peu moins la tête dedans. Mais par contre, tu vois, typiquement, oui, LinkedIn, c'est puissant, mais là, la guerre entre TikTok et Instagram avec les Reels, là, tu sais, ça, c'est quand même un terreau très, très fertile pour aller très, très vite, quoi. Tu vois, ma copine qui est influenceuse dans le sport, elle n'était pas allée sur Instagram. Elle y est allée, là, il y a 3 mois, et là, elle a 141 000 abonnés et elle a fait genre 100 millions de vues, quoi. Parce qu'elle a fait un Reels par jour en bossant vraiment le truc, parce que c'est le moment où, en fait, ils sont tellement dans la guerre au maximum Instagram et TikTok qu'ils ouvrent toutes les vannes pour que les créateurs de contenu choisissent plutôt une plateforme que l'autre. Donc, je pense, tu vois, il y a des momentum comme ça là sur certaines plateformes. À l'inverse, LinkedIn a un peu baissé la visibilité des posts depuis quelques temps. Là, ça revient un peu. J'ai recommencé à refaire 1 ou 2 posts à 1 million de vues, mais ça faisait longtemps que c'était plus possible. Il y aura peut-être un nouvel élan, tu vois. Mais je pense que, franchement, il faut que tu aies une armée de guides qui fassent des posts. Tu sais tout ça. Comment tu prends la température? Tu as une personne à l'intérieur qui est capable d'analyser ça, ou ça, c'est ton expérience précédente dans les applis qui te donne un peu à lire le dessous des cartes? Un peu les deux. Et surtout, bah, moi, je reste actif sur tous ces trucs. Je fais des posts régulièrement. Je tâte un peu. Tu vois, je vois comment ça prend ou ça prend pas. C'est de l'énergie, c'est du temps. C'est franchement, je vais pas te mentir. Et pour moi, tu sais que c'est pas un truc très agréable, hein, pour être tout à fait honnête avec toi. C'est une des dissonances de ma vie. Parce que moi, ma raison d'être et mon trip dans la vie, c'est la nature, et je passe 10 heures par jour sur un écran. Donc, je vais pas te mentir. Genre, quand il s'agit d'être dans son canapé le soir pour écrire un post LinkedIn, alors que je pourrais être dehors en train de marcher le long de la rivière, je le fais aussi parce que je me dis, là, tu fais un truc qui est utile et qui sert à quelque chose, hein. Sinon, je serais au bord de la rivière. Beaucoup plus. Aura, à toi. Moi, je voulais juste vous laisser parce qu'il n'y a plus de batterie. Donc, bon, merci beaucoup, Arthur. Et Julien, vous ressemblez beaucoup et c'est super, vraiment. Bravo pour ce que vous faites. Ciao. Salut, Arthur. Et salut, Aura. Aura qui va revenir. Elle est là, ça y est, le micro se démute. On t'écoute. Ouais. Bonsoir à tous. Désolée tout à l'heure pour le coup de micro. Et j'ai un peu raté le début. Mais et je mets pas la caméra parce que là ça surchauffe, voilà, donc problème technique. Pas de soucis. Alors donc oui, bon, déjà c'était très riche pour ce que j'ai entendu, puis bah j'ai peut-être raté certaines parties, donc ma question va juste se porter sur l'idée du réseau et de la communauté, enfin derrière tout ça, parce que du coup je vois beaucoup voilà, hein, le type de l'iceberg, la partie du financement et compagnie, mais derrière tout ça par exemple, ça parle de, je vois qu'on peut un peu cliquer sur des profils de personnes, qu'il y a 120 000 personnes et compagnie, mais est-ce qu'il y a vraiment, par exemple, des événements, des rencontres? Est-ce qu'il y a des groupes de co-développement? Enfin, est-ce qu'il y a une communauté derrière qui se connaît, qui échange? Ouais, carrément. En fait, c'est impossible d'avoir 120 000 actionnaires qui échangent et qui se connaissent, mais par contre, on fait des apéros tous les mois dans plein de villes, donc on fait des apéros tours et on les laisse venir pour ceux qui veulent. Et on entretient le noyau dur. Parce qu'en fait, le noyau dur, c'est lui qui, à chaque fois, pousse la boule de neige, qui fait que tous les autres s'y mettent. Ça, c'est un truc qu'on a bien constaté aussi. Ça sert à rien d'essayer d'avoir 120 000 personnes ultra actives. Il faut en avoir 1000 ultra actives et elles embarqueront les 119 000 autres après. Et donc, nous, on a créé un truc qui s'appelle la galaxie de l'action sur un Discord. Et ça permet aux gens de venir mettre à disposition de Team for the Planet leurs compétences et leur temps. Et donc, ils sont organisés par planètes. Donc, tu as des planètes photographes, des planètes traducteurs, des planètes vidéastes. Et ensuite, on les mobilise quand on a un vrai sujet. On a besoin d'un vidéaste pour un événement. On demande dans la planète vidéaste qui est dispo pour nous aider sur cet événement. Et on crée une comète. Et donc, une comète, c'est un petit truc qui permet aux gens de collaborer entre eux. Et à chaque fois, il y a quelques rôles très clés. Et dans cette communauté, il y a des gens qui sont là pour animer en permanence. On a un de nos salariés qui est là pour animer la communauté en permanence. Et ça pourrait paraître anecdotique parce que, en vrai de vrai, ils travaillent vraiment avec 100 personnes au quotidien, tout le temps. Mais ces 100 personnes font que les 1000 sont actives et les 1000 font que les 120 000 peuvent être actifs quand il y a un vrai gros truc. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger ce truc de travailler sur quelques personnes qui sont vraiment capables de démarrer la boule de neige. Et en fait, nous, le côté communautaire, on l'organise que comme ça. Ok, super. Ça a l'air génial. Merci à toi. Et au niveau des autres structures, est-ce que vous faites... Enfin, voilà, est-ce que vous avez des partenaires ? C'est pareil, je ne vois pas du tout de connexion à ce genre de choses. Ou est-ce que c'est directement au travers de vos actionnaires que chacun ramène un peu son background ? Enfin, Bah, en fait, tu vois, tous les actionnaires les plus impliqués sont aussi Fresker, sont aussi chez Deuton, sont sûrement chez 2030 Glorious pour une partie comme Hortense. Donc, en fait, tout est assez perméable en vrai. Et la plupart des sujets, c'est autour des questions des autres. Très souvent, les autres viennent demander un petit coup de main et tu vois, c'est normal, quoi. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, quoi, sur la commu. Donc, c'est juste assez perméable, mais on n'a pas des fit officiels, tu vois, avec l'un ou l'autre, quoi. D'accord, même au niveau institutionnel, du coup, il n'y a rien du tout, ce n'est pas du tout connecté particulièrement. Non, bah, on a l'ADEME en actionnaire, quoi. D'accord. Tout, quoi. Ils sont juste un actionnaire financier. Après, on n'est pas connecté plus que ça. Tu vois, nos gestes climat, tout ça, ça fait partie des outils qu'on recommande de partout, mais ça n'a pas de lien avec ça. Ok, bah, écoute, en tout cas, je vais continuer à essayer d'explorer un petit peu tout ça. Ça a l'air d'être effectivement une grande galaxie. En tout cas, voilà, merci pour ce soir. C'était vraiment riche et encourageant aussi un peu de voir cette approche et autant de positivité. Merci à toi d'être venu écouter. Merci pour les questions, Aura, sur la communauté, vraiment chouette. Arthur, je termine en te disant deux choses. Comment on peut, enfin nous en tout cas, avec les 2030 Glorious, on est très heureux de se mettre au service de vos communautés. Donc si jamais à un moment tu sens qu'il y a le besoin de leur faire vivre un voyage en 2030 Glorious, que vous avez envie de recueillir des visions, que vous avez envie d'aller plus loin sur la question des utopies et tout ça, je pense que la connexion se fera de manière assez naturelle et j'ai pas du tout envie de le pousser. Donc en tout cas, je te dis à quel point on est à votre service. Je pense vraiment que c'est hyper important. Dans deux jours, j'interviens auprès de 700 dirigeants d'entreprise pour les faire voyager en 2030 Glorious. Ah, bravo. Toi qui as l'habitude d'être avec ce peuple-là, ce public-là que je maîtrise un peu moins, même si de temps en temps ma route vient à croiser la leur, quel est le message à ton avis qu'il faut leur porter là, en particulier actuellement avec les législatives ? Est-ce qu'il y a quelque chose que toi t'aimerais leur dire, que tu dirais, mais si on part en ayant laissé ça dans leur tête, on a gagné ? En fait, ça va pas te faire rêver parce que c'est pas très fun, mais ce que je constate quand je te parle de l'histoire sociale, il faut surfer, c'est qu'aujourd'hui, quand tu dis aux chefs d'entreprise, alors, les humains, il n'y a pas de problème, mais les personnes morales qui sont pas, si tu restes sur le discours, il faut préserver vos enfants, il faut aller vers un joli monde et tout ça. C'est assez triste que ça marche pas. D'ailleurs, moi, je suis pas mal heurté à ce mur, mais il y a un truc qui marche, donc j'ai décidé de l'utiliser beaucoup. En ce moment, en tout cas, c'est la géopolitique. C'est de leur montrer que, typiquement, la Chine, elle a un grand récit national écologique que ils ont réussi à emmener leur population là-dedans. Alors certes, on va t'opposer que c'est une dictature et autres, mais en fait, ils font partie des futurs champions du monde de demain et ils ont clairement compris que c'est en transformant leur économie, c'est en pensant le monde de demain qu'ils vont être les leaders dans cette économie du monde de demain. Et ceux qui ne comprennent pas ça et qui restent dans un truc du « oui, les Chinois, c'est les plus grands pollueurs », en fait, ils passent complètement à côté de ce qui est en train de se passer géopolitiquement. Et ce à quoi sont très réceptifs les chefs d'entreprise, c'est au fait qu'on est en train de vivre une révolution industrielle, une renaissance industrielle. Et ça, ils sont très à l'écoute. Quand tu amènes avec cet angle-là, ça marche vraiment très, très bien. Et après, tu les ramènes vers ce que toi, tu veux dire, tu vois, pour que... Mais au moins, ils ingèrent ton truc. Parce que si tu arrives frontalement avec un discours qui est justement trop frugalité, trop « on va faire moins », j'ai remarqué que si les humains hochent la tête... Les personnes morales derrière, ça marche pas en fait, parce que eux, c'est des calculettes quoi. Et donc, ce qui marche, c'est de leur dire, là, on est menacé directement d'être les vassaux de la Chine dans un monde où les équilibres géopolitiques auront complètement changé. Si vous voulez être les vassaux de la Chine, alors ne changez rien. Ça marche à tous les coups. Voilà, c'est un peu limite comme argumentaire, mais malheureusement. Non, j'entendais un jour quelqu'un qui disait que les Chinois ont la chance d'être gouvernés par des ingénieurs, alors que nous, on est gouvernés par des économistes et que. Les ingénieurs, ils ont une vision stratégique qui est beaucoup plus. C'est pas mal. Il faudrait être gouverné par des poètes, en vérité. Ouais, en vérité. C'est pour ça qu'avec les 2030 Glorious, on fait ce travail. Je te retiens pas plus. Tu nous as donné 1h15 de ton temps précieux. Pour ça, je te remercie. Merci à toi. la balle est dans ton camp pour me solliciter, nous solliciter avec les 2030 Glorious quand tu le veux. On est vraiment à votre service et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser, peut-être dans un endroit un peu moins chelou que la dernière fois auprès du Rotary, mais avec plaisir. Bah, plaisir également. Et puis, de toute façon, oui, n'hésite pas à m'écrire aussi, t'as vendu, mais tu vois, même pour se croiser à l'occasion sans faire forcément un truc, mais juste pour se connaître. Ouais, quoi, avec plaisir. Bon, bah allez, bonne soirée à tous les deux. Salut. Salut Arthur. Ciao. Bonne soirée. Salut Aura. Ciao. Bonne soirée.